du heavy metal Klingon. Et oui, du heavy metal Klingon. Je ne suis pas seul en studio, je suis avec du heavy metal Klingon. Et Israël, bonsoir Israël. Salut, ça fait longtemps. Ben oui, certain, Colin. Israël qui est revenu nous parler des vraies valeurs et de l'attitude de champion qui éternellement l'habite. T'as-tu un petit... Mais c'est vrai, hein, on rit là-dessus, c'est sûr. Voyons donc. Mais là, ici, le problème, c'est que je suis en train d'essayer de plugger nos affaires. On est un petit peu à la va-vite avec l'émission d'avant qui s'est terminée sur du rock... Klingon. Du rock Klingon. Et voilà notre thème sonore d'entrée. De quoi tu vas nous parler, Israël, aujourd'hui? Du jeu vidéo Barbie sur la NES. Tu vas nous parler donc du jeu vidéo Barbie sur la console NES. Ouais. Console de troisième génération, mon chum. Et voilà, on y niaise pas avec ça, lui, il a fait ses classes. Et puis, moi, de mon côté, j'ai amené quelque chose d'assez particulier. C'est sûrement l'expérience auditive. Vous allez voir, on va passer au travers de ça. Là. Ça s'appelle douleur sonore. C'est à point nommé. Oui, on l'a baptisé comme ça. Tu sais de quoi je parle. Hein? Non. Non, tu vas voir. Tu vas le savoir pour le reste de ta vie. Sinon, en background, quand on va parler, ça va être Last Blade aujourd'hui, un vieux jeu de PlayStation. Ça a belle allure, ça. Et puis, de quoi d'autre? Il me semble que j'avais quelque... Ah oui, c'est le spécial Les Justiciers de l'espace! Ah oui? Oui, parce qu'on va passer au travers de Gavan, alias Xor. On va passer au travers de Charivan, alias Charivan. Et on va passer au travers de Capitaine Shider, alias Shider. J'ai amené le premier épisode de chacune de ces trois séries-là. Et puis, bon, on va pouvoir bien s'y saucer. Là. C'est très mauvais. D'ailleurs, dans un autre ordre d'idée, je suis allé voir le show des Police cette semaine en attendant que... Ah ben parle-moi-en. C'était très vintage. Je n'ai pas eu de surprise, mais je veux dire, on était là pour ça, là, voir les singles. Ils ont joué le Greatest Hits. J'étais bien content d'avoir Chambelle, qui est un instrumental assez divin aussi. Du bon matos. Mais là, peut-être pour faire une belle transition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller écouter Stuart Copeland, qui est le drummer de The Police. Et puis le drummer en question est allé faire un album en 1985 en Afrique. Il est allé en Afrique parce qu'il s'est dit, je vais aller en Afrique faire un album de musique. Bon. Fait qu'on va écouter un extrait du Rythmatiste. C'est quelque chose qui dure 41 minutes. On va en écouter une petite. Un extrait, hein? C'est ça. Après, on va revenir pour les vraies valeurs. Vous allez voir, c'est la toune douteuse du siècle. Merci, Isa. Ben, de rien. On va faire un bon 70%. Croyez que c'était une semaine comme les autres. Et vous aviez tort, car Choc FM, selon le dernier sondage BPM, est numéro 1. Numéro 1. Numéro 1 chez les étudiants en animation et recherche culturelle. Choc FM, numéro 1. Numéro 1. Numéro 1 chez les mâles de 28 à 37 ans mineurs de travail social. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1 chez les internautes au prénom composé célibataires depuis 10 ans. Choc FM, numéro 1. Numéro 1. Choc FM, ou dans tes oreilles, toujours. Thank you. Jadis autrefois, je réalisais ma fascination pour le côté sombre du zéro. Bien sûr, cette facette de mon esprit n'est pas née du jour au lendemain. C'est une prise de conscience étalée sur plusieurs années, développée grâce à plusieurs médias différents et au travers de constats communs et d'échanges d'opinions avec un nombre encore plus élevé d'êtres humains. Pour ce qui est des films, je crois, en l'œuvre de Roger Normandin, avoir trouvé l'incarnation même du concept de facultativité qui m'est tellement cher. L'homme de Shawinigan vient d'ailleurs de se trouver un distributeur en l'entité de Juste pour rire. Que n'ai-je pas eu les fonds nécessaires pour lui proposer la même chose il y a 2 ans? Mais bon, je tente de vous faire sombrer dans un état d'hypnose pour que vous savouriez au mieux la chanson qui va suivre. Cette prochaine est, à mon sens toujours et uniquement, la quintessence, le pinacle de ce que le monde a de plus facultatif, musicalement parlant, à offrir. Les manifestations de la culture et du sens créatif humain sont sans limite. Pourtant, la vraie marginalité créative est très rare. Ce qui suit est exactement à ce niveau ultime des limites de ce que nous pouvons créer, aux limites de la culture. De l'autre côté, je ne conçois ce qui peut exister. En fait, si je vous introduis de cette façon la prochaine chanson, c'est pour appuyer ce fait. Je ne conçois pas. Je ne conçois pas pourquoi ils ont fait cette chanson. Je ne conçois pas leur motivation. Je ne conçois pas comment, qui. Je ne conçois rien à rien à propos de ce qui s'en vient. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Enregistré il y a 3 ans à Saint-Hyacinthe, dans un sous-sol d'église, à un show de ce groupe oublié, qui parle d'on ne sait trop quoi, cette fabuleuse œuvre d'art n'a pas été nommée par ses créateurs. C'est pour cela que j'ai, humblement, renommé la chose. Aujourd'hui, je vous la présente sous le nom de Douleur sonore, car, si elle provoque une quantité incessante de questions, une seule réponse demeure. Ça fait mal. Je vous laisse donc voyager avec ces génies inconnus. Pour ceux qui se rendent à la fin, une surprise toute spéciale vous est réservée. Et Allô? C'est de la crise de merde. Oui, c'est dégueulasse. Ça risque d'être autant dégueulasse. Moi, je m'appelle Olivier. Et voilà. Ok, mais bon, bon show, Tommy. Donc, nous voilà, on est avec XR en onde ici. XR qui est totalement invincible, shérif de l'espace, tributaire de plusieurs... en fait, il y a eu 44 épisodes autour du personnage, 44 épisodes musclés, qui comment dire, je sais pas quoi dire. Là. XR, c'est XR. Hein. Et lui, il a inspiré deux autres séries après. Et puis, c'est devenu... c'est connu comme étant les justiciers de l'espace, ces trois séries-là, qui sont XR, Charivan et puis le Capitaine Scheider. Là, je viens de vous les donner en ordre chronologique. Balzar, c'est un extraterrestre qui vient d'Etolia, une planète beaucoup plus évoluée que la Terre. Là, il est envoyé sur la planète bleue, notre Terre, pour la protéger contre les Cyrex. Mais là, il tombe amoureux d'une femme, il y a un enfant, et puis l'enfant, il s'appelle XR. Wow! C'est pas pire, hein? Je veux pas, à date, on suit la logique. Là, on va écouter un petit peu un extrait d'XR, le début, là, le premier épisode. Vous êtes fous! Ça fait mille fois que je vous répète de pas jouer dans cette cour! Ah ah ah! Excuse-nous! Ça va, les enfants, vous pouvez vous reposer! À toi maintenant! Tu prends un café avec moi? D'accord. Non, non, non, vous asseyez pas! Lavez-vous les mains d'abord! Là, ce qu'on entend, en fait, c'est l'espèce de contexte parce que XR, il peut pas donner son identité parce que. Fait que là, c'est ça parce que. Fait que là, quand il est sur Terre, il travaille dans une espèce d'écurie. Et puis là, ben, c'est le background de l'écurie. On apprend que le vieux est sympathique, même s'il s'occupe des règles, une bonne figure patriarcale. Et puis là, ben, on va s'en aller plutôt au fin fond de l'espace, aller voir les méchants. La fin des travaux de cette colonie spatiale allait marquer une ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, des hommes allaient vivre dans l'espace de façon autonome, sans avoir besoin d'être ravitaillés pendant de longues années. Pourtant, tout au fond de l'univers, se précise déjà une menace. L'ambition démesurée de l'infâme Louis BMX-11, l'ordinateur suprême qui règne sur les Cérex. Les Cérex sont conduits par Carex, l'âme damnée de Louis BMX-11. Et voilà, voilà. C'est un ordinateur, le boss des méchants. Carex, ça ressemble à caresse. C'est vrai, mais il veut pas te faire des belles caresses, en tout cas, Carex. Puis il est pas correct, non. Les représentants progressent davantage de jour en jour dans leur conquête de l'espace. Eh oui. Heureusement, nous avons entre-temps achevé la construction de notre base secrète sur la Terre. Vous allez donc vous y rendre et pousser les hommes au vice et au crime. Toutes les querelles internes et la jalousie leur ôtent toute possibilité de concertation entre les peuples oui. Et qu'ils se détruisent entre eux. Allons-en! Nous partons tout de suite! Là, les méchants, ils étaient en train de faire des saluts à la Heil Hitler, là, vraiment. Hein? Et puis là, ben, on se retrouve sur la Terre un petit peu plus tard. Il y a une autre séquence que les méchants sont assez vaseux. Louis BMX-11 rêve de dominer toutes les planètes de l'univers. Voilà, simplement. La Terre représente un obstacle qu'il doit effacer, mais pas détruire. C'est pour cela qu'il a fait construire cette base dans un endroit que nul ne connaît encore. En Abitibi? Ben, on n'est pas trop sûr. À l'autre bout de l'univers, un homme surgit toujours à point pour défendre les opprimés et combattre les agissements des Cérex. Eh oui. Tadam, toujours à point. Vous m'avez appelé? Oui, Xor. Tu dois te rendre sur la Terre car elle est attaquée par les Cérex. Mais prends surtout garde de leur chef, Karex. Il était des nôtres autrefois. Il s'est mis au service des Cérex. Des autres ennemis. Je ne les laisserai jamais arriver à leur fin. La Terre est la planète où est née ma mère. Souviens-toi et prends garde. Au revoir et bonne chance. Sois prudent. Rassure-toi. Au revoir. Eh oui, eh oui. Hein. Dans un autre ordre d'idée, là, le père de Xor a été tué par Karex, le bras droit de Louis BMX 11, qui est l'ordinateur méchant qui dirige les Cérex. Et puis, Karex a trahi le comité des justiciers de l'espace en tuant le père de Xor. Et puis, comme la mère de Xor vient de la Terre, c'est doublement personnel. Au premier épisode, on est à 6 minutes 10 du début. Allons, venez! Venez! Les hommes de Louis BMX 11 ne se doutaient pas qu'ils affrontaient le vaisseau spatial le plus perfectionné de l'histoire. La CTE, la cabine de transit dans l'espace. Attention, la zéro pulseur. La zéro pulseur. Puis, là, ce qui arrive, c'est que Xor, il est tout seul dans sa cabine de pilotage aussi. Là. Il se parle. OK, oh. Il se dit la zéro pulseur, feu. En tout cas, ça l'aide. La zéro tor. C'est peut-être une commande vocale. Peut-être. Ça doit pas être pratique tout le temps. Hein? Ouais. Montre-moi donc le laser-auteur, crime, non? Hey, mais là, on est rendu peut-être à aller un petit peu plus loin. Hein? Peut-être qu'on va switcher. On va aller voir parce que il y a quelque chose qui est légion et classique qui arrive aux trois justiciers de l'espace, c'est-à-dire ils se changent dans leur scaphandre de combat minable. Donc, là, ici, on va entendre en audio la séquence de... Mutation! Même juste en audio, c'est laid. Imaginez avec le visuel. Viens te battre sur Terre! À ta disposition! De toute façon, je ne pourrais pas te défigurer davantage! Il ne faut que 5 centièmes de seconde à Xor pour se retrouver dans son scaphandre de combat. Eh hey boy. Revoyons la scène au ralenti. Là, à partir de là, c'est 5 centièmes de seconde qu'on voit au ralenti. Là, quand il dit transmutation. Par champ magnétique. Et voilà, il a reçu son scaphandre de combat par champ magnétique. Ce qui va nous amener à la fin là, de l'émission, tranquillement. Ouais, il a envie de se battre, c'est sûr. Ouais, on s'en fout. Là, on va aller écouter ici la fin de l'épisode parce que c'est le premier, hein, tu sais, on apprend que plein d'affaires, qu'il y a des méchants partout dans l'univers et que Xor est le shérif de la galaxie. Xor était parvenu à déjouer les plans de Louis BMX 11. La base secrète des Cérex avait été découverte à temps. Mais Xor devait rester à proximité de la Terre pour pouvoir intervenir si Starex et Karex tentaient de se venger sur les enfants. Cette situation convenait plutôt à Xor, qui aurait tout loisir de rechercher ses origines, tout en sachant que le combat contre Louis BMX 11 venait seulement de commencer. Ta-da-da, ouais, il vient seulement de commencer parce qu'il reste encore 43 épisodes après celui qu'on vient d'écouter ici. Là, pendant qu'on a la toune générique, qui est exactement la même que la toune quand il se bat, qui est exactement la toune qu'il y a au générique du début. Non. C'est la toune quand il se brosse les dents aussi, c'est la toune tout le temps. Est-ce que t'as déjà été au Q-RAY.com? Q-Ray. Ouais. Non. Ça, c'est un petit bracelet qui est quand même assez drôle. Vous allez voir, il y a un film, c'est fait en argent ou en or. C'est supposé balancer ton chi. Puis là, t'as plein de monde qui disent « I don't know what it does, but it does it good. » Aïe. Tu sais, fait que c'est ça, c'est de la publicité que je trouvais intéressante à passer à mes auditeurs. Bon, ben sinon, on va aller écouter une toune qui s'appelle 57 Channels and Nothing On. Ça me fait, je sais pas pourquoi, penser à la télévision beaucoup. Ouais. Je pense que ça s'améliore pas non plus. Non. Et voilà, pendant que la toune recommence, on s'en va faire ça. Toi, tu nous parles de Barbie en venant. Promis. All right. Assez. I bought a bourgeois house in the Hollywood Hills with a trunk load of $100,000 bills. Man came by to hook up my cable TV. We settled in for the night, my baby and me. We switched round and round till half past dawn. There was 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. Well now, home entertainment was my baby's wish, so I hopped into town for a satellite dish. I tied it to the top of my Japanese car. I came home and I pointed it out into the stars. A message came back from the great beyond. It's 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. Well, we might have made some friends with some billionaires. We might have got all nice and friendly if we made it upstairs. All I got was a note that said bye-bye, John. Our love's 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. So I bought a 44 Magnum with solid steel cast. And in the blessed name of Elvis, well, I just let it blast. Till my TV lay in pieces there at my feet. Busted me for disturbing the almighty peace. Judge said what you got in your defense, son. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. I can see by your eyes, friend, you're just about gone. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. On est pas mal de retour en onde, mon gars. OK. C'est à ton tour de parler de Barbie. Salut les amis, là. Moi, là, pour les besoins de l'émission, j'ai été m'acheter Barbie sur la NES, console de troisième génération, qu'on connaît tous très bien pour l'avoir eu dans nos foyers quand on était jeunes. Ça, c'est de la dévotion, là. Ouais. Eh hey boy. Mais non seulement je l'ai acheté, mais j'ai fait le tour à deux reprises. Donc, une fois sans me faire tuer. Ah oh boy, ça allait être assez difficile. La première fois, j'ai été game over pas mal de fois avant de... J'ai été obligé d'aller sur GameFAQ même. Oh, pour trouver des trucs puis des codes. Fait que c'est un jeu de la compagnie Hightech quelque chose. On les remercie. On les remercie. Une compagnie de jeux plates des années 90 qui ont fait des jeux sur les consoles de 3e et 4e génération, surtout des jeux de Barbie, mais ils ont aussi fait des jeux comme The Hunt for the Red October. Je sais pas si t'as déjà joué à ça, oui. Mais c'était plate longtemps. C'était plate en sapristi. C'était comme Jaws, mais moins le fun. Ouais. Puis Jaws, c'est déjà... Ouais. Bad fait game. Que ce jeu-là qui donne envie de se couper le gland à coups de feuilles de papier. l'histoire commence, c'est Once Upon a Dream. Mm. En français, un mané, c'était un rêve. Ouais. Mm. Fait que là, Barbie est dans son lit, puis elle lit un livre, ses sirènes, puis elle dit « Ah, je suis tellement fatigué. Et demain, j'ai so much to do. » Fait que faut que demain, elle a un lunch au soda shop. Elle va swimmer à la beach. Puis elle meet Ken at the party. Hey, c'est pas facile. Là. Chris, c'est Barbie, pointe-toi une job. Ouais, je sais pas, fais quelque chose. T'sais, hey, c'est ça une grosse journée pour Barbie. Imagine pour moi. Hein? Ouais, c'est ça. Pour ouais, moi, j'ai joué toute la journée. J'ai encore fait le tour aujourd'hui pour être sûr de savoir de ce que je parlais. C'est c'était vraiment un pain in the ass, en anglais, un ouais, pain ouais. dans le cul. Ouais. Puis là, c'est quoi le premier stage? En fait, c'est ça. Tu rêves à sa journée de demain. Okay. OK. Fait que là, qu'est-ce qui arrive avec Barbie, c'est qu'elle prend vraiment la moitié de l'écran. Oh. Fait que tu peux... Puis elle peut pas se croucher. Fait que tu peux rien dodger, tu sais. Tu peux sauter. Tu peux sauter, mais la moitié de tes jambes. Fait que t'évites rien, vraiment, tu sais. Hein? Fait que c'est pas très satisfaisant. Puis en plus, elle peut pas courir, elle peut juste marcher. Ben elle oui. Pitch des genres de balaki à Sam le Toucan. Puis Sam le Toucan se transforme en plateforme qui la fait monter puis descendre pour progresser dans le niveau. Puis il y a des boss, comprends-tu, assez minables. Fait que le premier boss, c'est un ensemble d'été qui fait juste monter de haut en bas. Fait que tu peux rester dans le coin de l'écran puis l'éviter tout le long puis juste pitcher des cochonneries. Attends, le premier boss, c'est un ensemble d'été. Je veux dire, camisole, jupe, gants puis chapeau. C'est le premier boss puis il faut que tu te détruis à coups de balaki. C'est de toute beauté. Puis c'est pas satisfaisant comme Megaman, tu sais, tirer les balles. C'est comme mou, genre. Ben là, ça fait un petit arc. Ouais, c'est là. Ça. Ouais. Ah, par là, je m'excuse, j'ai vraiment oublié, mais c'est très cocasse. C'est mon useless knowledge. C'est la compagnie Hi-Tech, là, a fait des jeux Megaman pour DOS. Des jeux Megaman? Ouais, le 1 puis le 3. Ils ont pas fait le 2, puis c'est pas les mêmes monstres que sur la version NES. Pour DOS? Pour DOS. Mais ils ont volé le concept, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai été voir. Ben, c'est en association avec Capcom, fait que ça a l'air réglementaire. Ah ben ouais, si Capcom sont impliqués. C'était écrit. Mais... Ah, yeah, c'était peurant. Pour en venir au boss, je m'excuse de la petite parenthèse, ben oui, mais c'était très intéressant. Le saut d'été. Après ça, c'est un four à pizza, puis il y en a trois, puis il faut qu'elle les ferme. Ça, là, c'est très sexiste, ça. Tu sais, imagine Barbie qui ferme des fours, tu sais. Ouais, c'est comme. En tout cas, le troisième boss, c'est un cadenas à ouvrir. Wow. Ça, c'est le boss. C'est quoi, tu tapes dedans ou... Ouais, ouais, ben, tu pitches encore tes balles de marde. Là. Puis à force de pitcher des balles, le cadenas y ouvre. Ouais, c'est ça. Puis libère. Parce que ça, c'est le cadenas, c'est le tableau de la sirène parce qu'elle s'en va à la plage. T'sais. Ah, ben ouais, puis là, elle se transforme en sirène. Puis le tableau de la sirène, sérieux, c'est le tableau le plus satisfaisant parce que tu peux aller vite parce qu'à la place de sauter, tu donnes des coups de queue pour aller plus vite. Pour aller plus vite. Fait que là, t'es content d'aller vite. Ouais. C'est la seule fois que t'as l'impression d'avoir un petit peu de contrôle sur ta grande barre qui prend le trois quarts de l'écran. Là. Le cinquième, c'est un jukebox, puis c'est le buzz de la fin. Un jukebox. Ouais. Là, tu tues le jukebox parce que tu c'est au party pas vraiment, où tu rencontres que... Ken. Ouais. C'est juste avant le party parce que le party, c'est comme le cheesy end screen. Parce que c'est ça, tu sais, tout au long du jeu, elle se ramasse des morceaux de linge, puis à la fin, tout habillé cute pour aller rencontrer Ken. Ah, c'est ça la quête. C'est comme la quête du linge. En tout cas, fait que j'ai vraiment pas aimé ça. Puis c'est ça, là, je donnerais un bon moins 5 parce que c'est pas le pire jeu. Il y a des jeux pas mal pires. Pas mal plus drôle et pas mal plus pire. Ouais, c'est ça. Moins 5, c'est une bonne note. Là, c'était égal à Bard contre les Space Mutants. Ah, oh boy, ouais. Le bon vieux temps, ça aussi. Ah, ben, merci beaucoup. C'est une belle chronique de jeux vidéo. Ouais. Barbie, NES, c'est parfait, ça. Si ça peut pas être bébé plus 70%. Ah, moi, il y a un petit quelque chose, quelqu'un que je veux parler. C'est ouais. Monsieur Lemoine. Ouais, j'aimerais parler de Monsieur Lemoine. Monsieur Lemoine, qui est un chanteur français né à Caen le 14 janvier 1988. En fait, son plus grand succès a déjà fait le top 50 dans France. Il a été en tête du top 50 pendant 15 semaines. En 92. Et puis, ces temps-ci, il y a un sondage réalisé par M6. Ça, c'est en France toujours. Là, je sais pas trop de quoi je parle vraiment. Là, je tiens ça de Wikipédia. Réalisé par M6 montre que la toune a été en sixième position des tounes les plus populaires de tous les des 30 dernières années en France. Je leur dirai plus, là, c'est assez. Et puis, les albums de M. Lemoine ont été vendus en Europe, au Japon, en Corée du Sud, aux États-Unis. Et puis, même, on s'en souvient comme le plus jeune rappeur de toute l'histoire. C'est le fils de deux autres artistes. Et puis, dernièrement, il participait sporadiquement à des émissions de télévision, ce cher M. Lemoine. Et puis, fan de batterie, de basse, de danse et de judo. En 2005, à la chaîne TF1, il a gagné le reality show qui s'appelle La Ferme des Célébrités 2. Il l'a gagné. Ça, c'est Monsieur Lemoine, tout un Monsieur Lemoine. Et puis, en 2006, il a sorti un single qui s'appelle « Je t'apprendrai ». Et puis, il a également fait son autobiographie « Je ne suis plus un bébé », qui est paru le 23 mars 2006. Puis, il raconte dedans comment que son père a gaspillé la totalité de son argent. Mais là, à force d'en parler, vous vous demandez c'est qui, ce Monsieur Lemoine, hein? Eh bien, on va écouter ici une partie de sa chanson. « Dur, dur être un bébé ». Tu m'appelles Jordi et qu'est-ce que tu veux? les gardais pour la rançon en cas de besoin. Je ne voulais pas que vous soyez tentés. Bien sûr. Qui mieux que le plus salaud des fils de putain peut savoir ce qui se passe dans la tête des fils de pute. Et voilà, que de vraies valeurs ici. Non, je pense que j'avais pas le droit de vous laisser finir, Jordi. Là, c'est... Non, mais je me demandais bien qui tu parlais, puis là... Ouais, en pleine face. D'en face. Jordi Lemoine, mon gars, le plus jeune rapper de l'histoire, je sais pas c'est quoi ça. Mais c'est ça, son père se défend de dire qu'il a gaspillé toute sa fortune parce que c'était surtout du sampling. Puis Jordi, il a pas vraiment chanté, c'est ben du non, sampling. Il a dit, dur, puis bébé, puis boule. C'est ça, puis là, ils l'ont rajouté. Puis aussi, c'est surtout le fisc qui lui a tout pris. Quand même, je discute l'intelligence de quelqu'un qui a réussi à vendre des millions d'albums et à finir sa paille. On pourrait parler de MC Hammer, mais on a quand même le cœur déjà assez fragile à cause de douleurs sonores et de la chronique sur Barbie au Nintendo. Effectivement. On va se donner un petit break. D'ailleurs, parlant de petit break, on est rendu au moment où on va passer à Charivan, qui est le prochain volet dans la trilogie des Justiciers de l'espace. Oui, on va écouter ici le générique. Vous allez peut-être le reconnaître un petit peu. Ah. Charivan, patrouilleur de l'espace. Charivan, perdu dans les étoiles. Charivan, lutter contre le mal. Charivan, Charivan. Charivan, pour défendre la Terre. Et voilà, c'était Charivan, le générique. Charivan, en fait, est né dans XR. Là. J'essaie de placer la prochaine séquence en vous expliquant un petit peu son background. C'était comme des chums, genre? Ouais, c'est ça. C'est qu'à l'épisode 42 sur 44 de XR, Charivan apparaît et se bat contre Buffalo Dobbler. Les Dobblers, ça, c'est comme la race des méchants qui sont les Cérex premiers, mettons. Mm. Bon, on s'en crisse un petit peu, là, mais bon, c'est ça, c'était comme le méchant de l'épisode, et puis là, il a failli se faire battre, ben en fait, il s'est battu contre tout seul, l'épisode commence, puis on suit les aventures de Charivan, là, c'est Den Higa, son vrai nom. Comment ça, je sais ça? En tout cas, là, Charivan, lui, à un moment donné, ben, il est pas capable de battre Buffalo Dobbler un coup qui grossit, tu sais, parce qu'ils grossissent tout le temps, ces méchants-là, là. Mais XR, lui, a son gros dragon dans l'espace. Fait que là, XR arrive avec son dragon, puis là, il sauve d'un mauvais pas. Fait que là, un coup que c'est fait, ben, XR, il reconnaît en Den Higa, alias Charivan, ben, il va devenir Charivan, on sait pas encore. Mais il reconnaît un bon combattant. Fait que là, il l'envoie sur sa planète pour s'entraîner, pour devenir un soldat, blablabla, blablabla. Bla, bla, Charivan! C'est Charivan. Là, ben, c'est ça, on va retourner dans l'épisode. On est un petit peu plus loin, vous allez voir. Ça s'améliore, ça s'améliore. Encore une fois, c'est le premier épisode ici de Charivan, le premier. Est-ce qu'il s'entraîne? Oh, il fait rien de ça. Ben, il se bat tellement qu'il n'a pas besoin de s'entraîner. Ouais. Et voilà, c'est ce que je voulais vous faire écouter. Lily, occupe-toi d'elle. On se rappelle tantôt, transmutation! 5 centièmes de seconde, mais là, c'est Soleil Rouge. Je suis Charivan, le justicier de l'espace. Le grand masturbateur. Charivan revêt sur l'armure de combat en une fraction de seconde. Voici ce qui se passe exactement. Il lui suffit d'invoquer le Soleil Rouge. Soleil Rouge! Pour que l'énergie de cette planète, transformée par le vaisseau de la grande base, arrive jusqu'à Charivan. Des milliers d'étincelles lui font alors une armure qui le rend invincible. À l'attaque ! Qui l'armée qui le remplissage à l'époque, là. Aïe, aïe, c'est ça. Il est vraiment en train d'y en sacrer une volée aux gros titines, là. Deniga, comme j'ai expliqué tantôt, c'est un garde forestier qui a fait son apparition dans l'épisode 42 d'XR. Sa superbe technique de combat n'est pas suffisante face à Buffalo Doubler, et puis Dan est envoyé pour combattre. Il revient sous les traits de Charivan, qui lui invoque la puissance du Soleil Rouge. Et on apprendra au cœur de l'émission des choses qu'on va vouloir oublier au plus vite. Une mutation moléculaire. Comme ça, là. Qui provoque une grande faille au centre de la Terre. Oui, ça c'est la puissance du méchant, il fait ça. Il fait une mutation moléculaire qui provoque une faille au centre de la Terre. À chaque épisode, il fait une faille au centre de la Terre. J'adore ça, c'est brûlé. Là, il est embarqué sur la petite moto qui l'amène vers la zone de combat mal faite, là, avec de la fumée à la place du plancher. C'est au centre de la Terre? Ouais, sûrement. Là. Sinon, ils ont changé ça de place. Là, on va avoir un petit speech, je pense. Dans la dimension infernale, on rencontre d'ignobles brutes qui ont leur force décuplée. Et yeah, tu vois, il niaise pas avec ça, la dimension infernale. Puis ça, c'est Musgrave Sea, Night on the Bone Mountain. Ce qui fait que là, on va aller écouter la fin, hein, parce que c'est le premier épisode. Et puis, Charivan, c'est le nouveau défenseur de l'espace qui a pris la place de XR. Et Charivan, qui maintenant a battu son premier boss, là, je vous dis, il a gagné. Ouais. Ouais. Presque tous les jours, Yoko allait sur le port. Elle pensait à Tokyo et aux bons moments qu'ils avaient vécu ensemble. Les Burlocks veulent répandre le malheur sur la Terre, les empêcher d'atteindre leur but. C'est la mission de Charivan, le patrouilleur de l'espace. Et voilà. Et voilà. Y a combien d'épisodes de Charivan? Charivan, j'ai pas le total ici. Je pense que c'est 26. Ils en ont fait un petit peu moins, mais ils ont coupé pour transformer ça en Capitaine Shider, qui va être le troisième volet. Oui. On va en parler juste après avoir écouté. Je l'aime bien, gros, hein? Là, c'était préféré. Ben, XR, non, XR, c'est... Ouais, moi, tout, j'aimais mieux XR. Ouais, mais Charivan, là... Bon, ben là, on va écouter Lollipork Stomp de Cashmere, et puis on revient à 70% pour parler des vraies valeurs. Tu vas nous parler d'un normal amour, toi? Ouais, ouais, je l'ai rencontré personnellement. Ouch. Et voilà, 70%. Swimming pool, as we were feeding moths, we feeding through. Cause we were having Christmas feast, and everyone with pork and grease, cause every guest was eating meat like beef. Cause Santa gave us lollipop, and everyone was gay. The smell of frying pig was in the air. I really think that eating pig pork is quite okay, as long as the meat's well done, I think it's fair. Fanatic vegetarians would call us rude barbarians, but before that it, we forked them on the grill. The taste was quite mammalian, reminded me of aliens, but salt could give it ooh, the last thrill. And Santa gave us lollipop, and everyone was gay. The smell of frying pig was in the air. I really think that eating pig pork is quite okay, as long as the meat's well done, I think it's fair. My answer was as that. Can it be that I am so fat? You taught me lolly pork was for my health. Skating kids with the baseball bats still kick my ass and tell me that my family was never one of wealth. And skin the gay was lolly pork and everyone was gay. The smell of frying pig was in the air. I really think that eating pig pork is quite okay, as long as the meat's well done, I think it's fair. Well done, I think it's fair. As far as the needs, well done, I think it's fair. Thank you. Eh ben bonjour, ici Pierre Brassard, vous écoutez 70% sur Choc FM. Thank you. Ben, salut, c'est encore moi, Israël. Puis j'ai rencontré Normand Lamour, effectivement. Puis j'ai trouvé ça fuck all! Déçu de l'expérience, Israël, ah, ici, oui, ça compte. Parce que je vais vous dire pourquoi. J'étais en tournée avec mon groupe de punk rock Bonne Journée. Puis là, on arrête au Madrid, c'est bien pour manger, on allait à Jonquière. Et ça, il y a des dinosaures, des Bigfoot, puis Normand Lamour. Ben oui, il manque de rien. Ouais, c'est ça. Fait que là, on arrête là, puis moi, puis mon guitariste Vincent, on se dit, hey, on va voir Normand Lamour, ça va être cool, il va nous chanter la tune du Top Rock de Babu. Fait que là, on va voir Normand Lamour. Puis là, le cauchemar commence. Là, on y pose des questions, mais c'est le genre de gars qui a juste des réponses. Je sais pas si tu vois le concept. Moi, j'ai demandé. Qu'est-ce que t'aimes le plus, ton album disco ou ton album hip-hop? Puis il me dit, écoute-moi bien, toi. Là, vous autres, vous jouez dans un groupe, là, faudrait que vous veniez tous me voir, puis là, je vais vous ouvrir pour que vous répandiez l'amour. Fait que j'avais l'impression de parler à un témoin de Jéhovah. Il m'a raconté qu'il avait rencontré Jésus à Montréal, puis que Jésus y avait donné des trucs pour ouvrir le monde. Là, Jésus est à Montréal. Ben, je sais pas, il l'a vu juste une demi-heure. Je sais pas, il l'a pas invité à souper, là. Sapristi, hein? Fait que c'est ça. Il vend son coffret DVD de sa vie, là, pis il fait les filles dedans, pis c'est genre 10 DVD, là. Ben, va être capable de faire, ouais. Pour vrai? Ouais, on devrait y aller en char, moi, pis toi, pis aller se l'acheter. Mais je veux ça. 10 DVD, pis il fait. J'ai un ami qui l'a acheté, pis il me dit qu'il a arrêté au deuxième, il est plus capable. Ben, je veux l'y emprunter. Ah, je pourrais peut-être arranger ça, mais peu importe. Aussi, Normand Lamour, il est vraiment désagréable. Mmh. Tu sais, il dit tout le temps à l'autre qui est à côté de toi qui aime lui plus que toi. Je sais pas comment dire. À chaque fois qu'il change de personne, il l'aime encore plus. Ok. Fait qu'en plus de ça, c'est mesquin, c'est méchant. Il aime pas tout le monde égal, on dirait. Ouais, puis il se fait. Ouais. J'avais l'impression de parler à un témoin de Jéhovah. Plus c'est récent comme connaissance, puis plus tu veux te faire brainwasher, plus tu vas être son ami. J'ai essayé d'y parler de Babu pour qu'il me chante l'autocroc de Babu, tu sais. J'ai demandé, puis tu l'as-tu illuminé, Babu? Tu sais, c'est qui Babu? Ben ouais, il fait du. Ouais, il se fait mal à mur en motocross. Ouais. Fait que il me dit, ouais, j'ai essayé d'illuminer Babu, mais il en manque un petit peu. Fait que je finis là-dessus. Il en manquait juste un tout petit peu. Ouais, à Babu, il en manque juste un peu pour répandre l'amour, comme que le ferait Normand. Hey, sapristi. Bon, ben, on va aller écouter une toune des Bottle Surfers. Après ça, on va revenir pour le Capitaine Scheider, qui est le dernier volet de cette trilogie des Justiciers de l'espace, qu'on va avoir ici le pilote de chacun des trois épisodes qu'on va visionner à Choc FM. Comme à tous les lundis soirs, on voit en visuel ce que vous avez en preview en auditif. Et voilà! On écoute les Bottle Surfers et Negro Observer. C'est bon ça, hein? Ouais, j'aime ça, ben. We'll be right back. suis obligé de reprendre les ondes là, parce que le temps va nous manquer. Puis je veux remercier publiquement Israël. Israël, qui est un excellent musicien du groupe Bonne Journée, qui était déjà passé ici à 70%. Ça fait une bonne année. Hein. Tu ramèneras ton monde nous refaire une coupe de tune live à un moment donné. Ah, ce serait drôle, ouais, j'aimerais ça. Certain. Et puis sinon, toi, tu as joué au Café K.O. Une semaine après la présence de Trunk 25, le groupe duquel on a fait jouer les Immondices il y a quelques semaines. Et puis ici, j'ai le listing, la playlist que toi, tu as fortuitement trouvé. Ouais, puis que je te l'ai ramené pour toi. C'est beau. Il a trouvé la playlist que Trunk 25 a joué au Café K.O. le 12 juillet dernier. J'ai ici les chansons, les opus. Et puis, je vais me permettre juste de lire les titres avant qu'on passe à Sheridan, à Capitaine Scheider. Et puis, voilà, donc, Gangster, parce que c'était avec la culture longueuilloise aussi. Là. Mais là, je vais juste lire les titres de Trunk 25. Gangster, Charas. C'est sacoche pour ton bat, mon pénis, pimp mon pénis, dans ta bouche, cafetière, la selle, secrétaire, fourré des morts, famille, naine, colkin et cauchemar. Merci, Israël. Je pense que naines, c'était les naines pis les grosses. Ouais, ouais, fourrer des grosses naines. Cochonne. Des naines, des grosses. Ah, ça apprécie. Bon, ben, OK, pour changer le spectre, on va plutôt aller écouter le Tuntem. Ici, le générique du Capitaine Scheider, le troisième volet. J'ai très hâte. Oui, lui, il est né après Charivan, qui était né après XR. Ça fait que c'est lui le plus jeune. C'est qui le chante? C'est-tu Bernard Schitt? Non, c'est... Il chantait aussi « Moitié homme, moitié robot », non? Ben, peut-être, on va le voir tantôt en visuel, parce que là, j'ai pas les codecs nécessaires pour voir l'image. Capitaine Scheider, ici, je vais laisser les 5 premières minutes du show, parce que ça résume tout. « De la nuit, que par ma bouche infernale, les ténèbres sans nom s'étendent à toute la galaxie. » Comme ça, c'est pas le boss des gentils. « Que l'empire du futur fasse régner partout l'enfer du rêve. » La galaxie noire de Sulfure est passée à l'attaque, semant partout le chaos et la désolation. La planète Gao, attaquée par le samouraï noir, leur vaisseau amiral s'est volatilisé dans l'espace. Sur la planète Alpha, le passage du vaisseau ça donne à rien de dire quoi que ce soit, ils disent tout. Plus terribles les unes que les autres. Sur la planète Omega, les plantes soudain sont devenues folles. Et pour finir, la planète tout entière a disparu dans une énorme explosion. Annie ? Annie ? De la terre d'où je suis venue, il ne reste rien. Vous voudriez que je sois contente, c'est ça que vous voulez ? Mes amis ! Voilà ce qui risque de nous arriver. Jamais l'univers n'a eu à faire face à une menace aussi terrible. Globulus est décidé à régner en maître sur toute la galaxie. S'il le faut, il détruira toutes les planètes qui s'opposeront à lui. Si nous ne faisons rien, c'est ce qui arrivera. Vous êtes notre dernière chance. Aussi, je vous le demande, acceptez-vous d'aller combattre les forces de la nuit en sachant que vous n'avez que très peu de chances d'en revenir vivant. D'accord, j'irai combattre. Moi aussi. Moi aussi. Je suis prêt. Moi aussi. Cui-cui. Moi aussi! Là, c'est oui! Est-ce que vous avez entendu cui-cui? Hein? Okay. C'est parce que là, on va le voir tantôt en visuel, mais il y a une espèce de race d'hommes-oiseaux qui ont des masques affreux. Et quand ils disent cui-cui, c'est réellement l'homme-oiseau qui disait oui en disant cui-cui. Pour aller se battre contre les forces infernales. Ouais. Est-ce que nous avons une chance? Oui, si je peux compter sur toi. Oui! Là, on le voit pas, mais Ah ouais, on le voit pas. Mais là, il y a deux rangées de sept gardes. Es-tu prêt à donner ta vie? Puis là, lui, gars, il vient de parler à un. Là, il s'est tassé en avant du deuxième. Il a demandé, es-tu prêt à donner ta vie? Là, il s'en va en avant du troisième. Et toi, mon ami, es-tu prêt à te battre jusqu'au bout? Il y a juste 11. Je suis prêt. On continue. Ça, on lâche pas. On est capable. Et toi aussi? Non, je suis sûr. Non, pas moi. C'est drôle parce que ça prend du temps. Hein? Et toi, mon ami? Ah oui. Es-tu prêt à te battre pour sauver ta planète? Plutôt deux fois qu'une. Ouais, vas-y. Très bien, dans ce cas. Et voilà. Tu vas t'appeler Shedder. Et voilà, la naissance du capitaine Shedder. Je vais t'appeler Shedder. Il l'a répété pour être bien sûr. Ouvre grand et avale, tu deviens le capitaine Shedder. Pour la défense de ma planète, la Terre, prêt. Et pour voilà. Pour combattre la galaxie de la magie noire, prêt. Prêt. Pour empêcher que le mal règne sur l'univers, prêt. Prêt. Pour empêcher que le mal règne sur l'univers, prêt. C'est mon dernier jour à l'école des cadets. Président, je vous remercie pour tout. Alors c'est bien vrai, tu repars pour la Terre? Oui. Tu sais que la Terre est un peu mon second foyer. J'ai passé beaucoup de temps là-bas. Je ferai tout pour la protéger. Ne crains rien. Est-ce que tu peux me rendre un service? Bien sûr. Là, on la voit pas. Ah, il va falloir que j'arrête de dire ça. C'est sûr qu'on la voit pas. C'est la blonde de XR, en fait. Et comme deux séries plus loin, elle est revenue pour rendre la chose plus vintage. Avec toi sur la Terre. Là, c'est Annie, la fille qui était sur la planète Omega, que les plantes sont devenues folles. Je déteste ces monstres sans pitié. Je veux me battre avec toi. Puis là, c'est personnel. C'est très dangereux. Ça m'est bien égal. Ça m'est bien égal. Allons sur la Terre. Et là, le capitaine Shedder décolle dans son superbe vaisseau. Convertisseur. En ordre. Et oui. Propulseur. En ordre. Arme spatiale. En ordre. Pulsar, paré à décoller. S'il te plaît. Bon. Est-ce que tout est en ordre? En ordre, oui. Bon. Là, c'est quoi ici? J'ai 6, 10 à 6 et 20. Il y a un petit quelque chose de juteux. On va essayer d'aller voir c'est quoi. On y arrive, c'est super désagréable. Annie, c'est ça la Terre. Tu avais raison, c'est une jolie planète. Tu promets de toujours la défendre? Aïe, on est passé par là. Ah, en tout cas, là, on va lire fiche technique, on arrive un petit peu vers la fin. Hein. Le capitaine Shedder... l'empire démoniaque des Fuma a commencé son œuvre de destruction partout dans l'univers. Les planètes tombent une à une et la Terre ne sera bientôt plus épargnée. Elle non plus. Les justiciers de l'espace sont sur le pied de guerre et les jeunes cadets de l'académie vont devoir prendre part au conflit. Dai Sawamura est l'un d'eux et originaire de la planète bleue de la Terre, il sera chargé de la protéger de l'assaut imminent des forces obscures. Merci. On n'aime pas ça que les forces obscures nous assaillent. Mais non. Toi, t'es contre, hein? Ah, je suis contre. Voter pour les forces obscures, non. Moi, je vote contre. Il sera secondé dans sa mission par Annie, dont ses personnels. Et puis, par la puissance du feu dévastatrice, Dai aura également la possibilité de revêtir en quelques fractions de seconde un scaphandre de combat pour devenir le capitaine Shedder. D'ailleurs, c'est un petit peu la séquence que j'aimerais qu'on y arrive, parce que là, c'est... Il colle pas le soleil de feu, lui? Non, lui, c'est autre chose. Lui, en fait, je sais pas trop. C'est pour ça que tu voulais qu'on arrive à la scène. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je me rappelle plus. Je me rappelle même plus quand il met son saut, en fait. On s'en fout un petit peu, là. Ça ressemble pas mal au foie d'avant. Là, il met, puis là, ça ne prend que blabla seconde, là. Qui périssent dans le grand trou noir. Porte du temps, ouvre-toi. Ça, c'est un pas fin. Le méchant, lui, dans cet épisode-là. Entre l'espace et le temps, voilà. Il existe des portes temporelles où la matière peut passer d'un état à l'autre avant de disparaître à jamais dans le grand trou noir où tout n'est plus qu'illusion. C'est quoi, ça? De quoi, lui? Et voilà. Par la galaxie, où est-ce qu'il est passé? Ouais, ça va. Fait que là, on va aller vers la fin pour aller écouter les derniers balbutiements de ce premier épisode du Capitaine Shedder, dans lequel tout devient personnel pour tous les personnages. Ça, c'est le boss de l'épisode qui est en train d'exploser, c'est important. Ça, c'est parce qu'il a explosé. vais entendre Cui-Cui, moi. Ah, il l'a juste une fois. Ouais. On les revoit plus parce qu'ils sont bien trop laides, voyons. Non. Moi aussi, je les aurais pas remis. Je les aurais même pas mis une c'est fois. Ainsi que, grâce au courage de Cheddar, les enfants ne risquent plus d'être contaminés par des ondes radio maléfiques. Ouais. Et voilà, merci, capitaine. Le plan de Globulus a échoué. La galaxie noire est battue jusqu'à la prochaine fois. Eh oui. Méfie-toi, Cheddar. Tu vas devoir sans doute très souvent remettre ton armure de... 33 fois, en fait. Il va la remettre son armure de combat exactement 33 fois encore parce qu'il y a 34 épisodes à la série du Capitaine Schneider qui était le dernier volet. Merci, Isa. On a fait un bon show aujourd'hui, ouais, je pense. Cool. Tu vas revenir la semaine prochaine, relax. T'amèneras qui tu veux, là, si jamais, sinon le sujet que tu veux. J'ai une pas pire joke, vite fait. Ben, vas-y. Comment tu fais pour qu'un chien arrête de désigner? Je sais pas. Tu le suces. C'est classe. Et voilà, elle était pour toi, maman. On s'en va écouter de la marde ici dans les studios de Choc FM. Merci à tout le monde. Merci d'écouter 70%. On vous laisse avec... ça va être une chanson. Là. On fait pas ça souvent, là, mais voilà. On vous laisse avec ça. Ben, merci. Hein. Ouais, salut, Israël. À Moncton, à Chidiac, un petit peu opaque, à Lakeville, à Pétille et à Scoopidou, c'est mou. J'ai demandé à madame pour avoir un verre d'eau, mais c'était plus comme de la boîte. Au Nouveau-Brunswick, les bains, c'est du quick. Quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick. Et à Miramichi, l'eau des Bécosses, elle est Mentos et elle est chewy. Mentos, parce que c'est chewy. Bonjour, ici Millie Croche, vous écoutez Choc FM.